On va parler d'Hockey Mina de Dolbo Misasini. Donc, cette chronique est une commandite de BM Metal. On va parler avec le président du Hockey Mina, David Lamontagne. Salut, David. Salut, Danny. David, les activités sont commencées pas mal. Je voulais te parler des tournois. Les tournois, comment ça va cette année? J'imagine que déjà, on est actuellement en pleine préparation, j'imagine. Tournoi de Bantam, tournoi également Midget. Tournoi Tombe-Pee-Wee, les deux premiers tournois, c'est tournoi Bantam, tournoi Tombe-Pee-Wee, tournoi Bantam du 13 au 19, puis le tournoi Tombe-Pee-Wee tout de suite la fin de semaine après, la semaine après. Ceux que les autres sont en préparation. Je sais que le tournoi Bantam, j'en ai profité pour faire un appel à tous. Je sais qu'ils ont besoin de bénévoles, ont besoin de Tout ça, hein? pour ouais. Après ça, à Tombe-Pee-Wee, je sais que c'est décollé aussi. J'ai vu cette semaine le tournoi novice qui était en réunion. Donc, tous les tournois, oui, c'est tout décollé, c'est tout en préparation. OK. Si on y allait maintenant avec les différentes équipes maintenant, donc Bantam, c'est commencé la semaine passée. Oui, Bantam, ça fait deux fins de semaine. Bantam 2B, on en parle. Pee-Wee 2B, c'est commencé aussi. Pour ce qui est des équipes simple lettres, ben, là, les équipes sont formées. Tout est en place. Il reste le début de saison, comme je te disais la semaine passée, là, à partir du 13 octobre. Puis pour le midget, c'est à partir du 20 octobre, je pense. OK. Les castors de Dolbeau ont commencé. J'ai pas eu d'entrevue avec Robin parce que cette semaine, probablement que Robin, je pense que pour son emploi, il devait partir. Mais ça a été une défaite la semaine passée. J'ai vu ça contre le Marcos Pop de Saint-Félicien. Quelque chose comme 8 à 1, je pense. Oui. Ben, dimanche, je sais que c'est Là. dimanche, samedi, vendredi soir, c'était contre les Saguenayens. Je sais Ouais. que c'était un match un petit peu plus serré, là. Ils ont perdu, mais genre en troisième période, c'était assez serré. Pour la Marcos Pop, je pense que c'était, je pense que c'est pas mal une des grosses équipes, là, Oh, cette saison. ça a toujours été une grosse formation. Ouais. David, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Oui. On rappelle que la chronique est une commandite de BR Metal.